Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble dans une version différée pour la dernière émission du mois de mai 2022. Plein de très bonnes choses encore à s'écouter pour aujourd'hui, un peu moins de nouveautés que la semaine dernière. Parce que du coup c'est les dimanche dernier qu'on a eu un énorme renouvellement de playlist. Cependant, on se fait plaisir avec, parmi les petites nouveautés d'aujourd'hui, les Grecs de Septic Flesh, les Ibériques de Holocausto Cannibal et les Français de Sacrificer. Voilà, pour donner un petit avant-goût des nouveautés hautement qualitatives qu'on va s'envoyer dans les oreilles ce soir. Et on commence l'émission tout de suite avec une doublette américaine sans aucune tendresse. Misery Index, le groupe de Brutal Death, un peu grind, un peu hardcore, qui sort son nouvel effort studio Complete Control. Septième effort studio des Américains, une sortie toujours chez Century Media. Et en doublette avec Misery Index, les autres Américains de Terror, cette fois le groupe de hardcore, les Vétérans, qui nous sortent un super 9e album studio, Pain into Power, un album plutôt court, hein, à tout juste 20 minutes, mortellement efficace. On s'écouterait une doublette dans la doublette d'ailleurs, parce que certains titres de Terror sont à la limite de la power violence en termes de violence et de durée. Outside the Lies, enchaîné On the Verge of Violence. Et juste avant, pour ouvrir l'émission de ce soir, Misery Index, le morceau Necessary Suffering. C'est parti, et bienvenue dans l'émission. Still, the plastic season. Suivante, eh bien, on va s'envoyer la première nouveauté de l'émission de ce soir, comme annoncé il y a quelques instants. La formation grecque Septic Flesh, ils sortent là leur 11e effort studio, le groupe de Death Symphonique, même de Death Symphonique grandiose, qui, 5 ans après le précédent album, nous sort là, hein, ma foi, toujours aussi sombre et qualitatif, moderne, primitive. À noter un changement de label, puisque de Season of Mist, ils sont passés maintenant à Nuclear Blast. Pas d'incidence cependant sur la composition et la qualité musicale de la formation Hélène. C'est riche, c'est grandiose, c'est épique, et ça reste quand même sur une grosse base death metal. Sur les 2-3 derniers albums, on avait une très très grande utilisation du coup des orchestrations et autres arrangements. Là, on retrouve un riffing beaucoup plus présent, voilà, ce qui ajoute encore une fois à la qualité de ce nouvel effort studio de Septic Flesh. Il est déjà disponible tout fraîchement, et on s'écoutera ensuite l'Iricain de Wofat pour une bonne dose de stoner. L'album s'intitule Singularity, il est déjà dispo, et on s'écoutera le titre Overwalder, et juste avant ça, Coming Storm, signé Septic Flesh, le morceau bien nommé d'ailleurs. We'll be right back. Thank you. troisième doublette dans l'émission de ce soir, direction le nord de l'Europe avec les Norvégiens de Cranium, le groupe de slam qui sort un nouveau split avec Existential Dissipation. Le split s'intitule Polymorphic Chamber of Human Conception. Ce split, c'est la nouvelle sortie studio après le Slam Cosis, sorti il y a déjà quelques années pour Cranium. Donc voilà, de retour en très grande forme en version studio. Acid Burnt Genitalia, le titre de Cranium qu'on va s'écouter tout de suite. Et juste après ça, Malévolence, le groupe de hardcore, metalcore, moderne, metal maintenant, qui nous vient du Royaume-Uni. Malicious Intent, c'est leur nouvelle et troisième effort studio, une sortie déjà dispo chez Nuclear Blast. Bien personnellement, un album qui peine énormément à convaincre. J'ai eu du mal à extraire des titres à diffuser. On va cependant s'écouter le titre Above All Health, en featuring avec le vocaliste de Kublai Khan, qui fait d'ailleurs du bien au morceau. Cranium, Malévolence, c'est parti. We'll be right back. bro. Harder than fuck, man. La doublette suivante, c'est clairement la doublette la plus riche de l'émission en termes d'inspiration et d'origine des groupes. Tout d'abord, Al Nemrood représentant l'Arabie Saoudite avec un extrait de son nouvel effort studio d'anti-coranique black metal, Worship the Degenerate, où c'est contre le titre Protector of the Herd. C'est toujours une espèce de raw black sur fond de boîte à rythme ultra haineux et frontal. Et ensuite, Adzahab, une autre nouveauté de la semaine dernière, un truc vraiment intéressant, puisque là on est sur une formation qui nous vient du Pakistan. On est sur un espèce de death, un peu trash death, bien old school. Ils ont par exemple une cover d'un titre de Decapitated qui date de l'album The Negation de 2004. C'est un peu rigolo de dire en 2022 que 2004 ça sonne old school. Enfin voilà, ça vient chercher les inspirations un peu tech, un peu old school de cette époque-là. Et puis bah c'est Kali parce que ça reste des icônes d'expérience. Summoning the Cataclysm, c'est le nom de leur nouvel effort studio. Et on s'écouterait le morceau Carbon Plague, Al Nemrood, Adzahab, pour une doublette à la fois d'Arabie Saoudite et du Pakistan. C'est parti. Thank you. Toujours à l'écoute d'Elbanger sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble de nouveau en direct pour une émission différée, enregistrée un peu plus tôt dans la semaine, mais toujours avec du contenu qualitatif et inédit. Et c'est ma foi déjà l'heure d'attaquer la spé française. Spé française que l'on va entamer de suite avec la seule nouveauté hexagonale pour ce soir, Sacrificer, le groupe alsacien qui nous sort son premier album studio après un très très très très bon EP il y a quelques temps qui s'intitulait La mort triomphante. Qu'est-ce que je l'ai poncé cette EP. Là, ils nous sortent Le diamant de Lucifer, une sortie chez Osmose. On est toujours sur un Blackened Heavy Speed Trash ultra qualitatif, musicalement, vocalement, et ben putain, ça fait méchamment le job, ça pue le old school, mais en même temps, dans son époque. 10 titres, 40 minutes, un chant à la fois du coup exprimé en français et à la fois en anglais. Voilà, précipitez-vous sur cette nouvelle sortie de Sacrificer. Et en doublette, Gronibar, le groupe de Gorgrind français qui sort son nouvel effort studio Regarde les hommes sucer. Troisième album studio pour Gronibar avec un gros up en termes de label, puisque là ils sont signés maintenant chez 6-9 Mist. À l'instar d'un Malévolence, c'est pour moi un album qui peine à convaincre. Alors oui, on trouve des éléments super intéressants d'un morceau à l'autre. Sauf que bah, en fait derrière ça tourne un peu autour du trou de balle cette histoire hein, alors sans surprise d'un certain point de vue, mais ça va pas chier plus loin que ça. Enfin voilà, du coup pareil, un petit peu de mal à extraire des morceaux. Cependant, l'enfer des zombies, qu'on va s'écouter tout de suite, c'est un morceau vraiment coolos. C'est parti, et juste avant ça, Sacrificer avec le morceau Laser Agents. Thank you. Doublette suivante, on continue tranquillou dans l'aspect française avec d'abord Irgol, groupe de black signé chez les Hecteurs de l'Ombre. Ils sortent un album sans nom. Est-ce qu'on peut appeler ça un album éponyme? Est-ce qu'on peut tout simplement l'appeler sans nom? Difficile à dire. 7 morceaux pour 40 minutes. On est sur un black traditionnel, un black, black français, hein, puisque bien sûr le groupe chante en français, puis que le black metal français a vraiment sa patte à l'international maintenant. Et en doublette avec eux, Winterhalter, récente formation d'inspiration post-hardcore, à la croisée du black metal, une musique assez lourde, sombre et forcément atmosphérique. On retrouve forcément des éléments dignes de Cult of Luna ou autre Amenra. Et le groupe est assez proche de Igor, puisque leur ancienne vocaliste apparaît en guest sur différents morceaux tout au long de l'album. Irgal, on s'écoutera le morceau Au Gouffre, Winterhalter, ensuite le morceau Adored, extrait de leur nouvel effort studio, sobrement intitulé Deus Tu. C'est parti.